la fin du temps psychologique, l'individu qui vit le processus de la fusion, c'est-à-dire l'intégration de l'énergie de l'esprit dans sa vie, est appelé à sortir du temps psychologique parce que l'esprit n'est pas de nature psychologique, n'est pas soumis à la forme, n'est pas soumis à un calendrier, à un agenda qui va l'amener à vibrer à de l'émotionnel, à de la peur, à de la joie. Il n'y a pas d'émotion en montagne russe associée à une temporalité dans la conscience de l'esprit. Il y a plutôt un calme. Donc, la personne qui vit le temps de l'esprit en y entrant, en sortant du temps psychologique, le temps de la réflexion, le temps de l'ego sous influence astrale, connaît une forme de libération psychique et un vide mental, ce qui fait qu'elle est bien dans sa peau. Tant que la personne réfléchit puis remarche en son sein du mémorial ancien pour vivre la nostalgie ou vivre de l'anxiété d'anticipation par rapport à l'avenir en fonction, par exemple, d'expériences difficiles qu'elle a vécues, la personne souffre sur le plan psychologique. Elle vit une forme de pollution dans son esprit et une forme aussi d'émotivation. C'est le vide de la réactivité émotionnelle par rapport à certaines formes qu'elle n'est pas capable de percevoir, ces formes pensées-là, dans son esprit sans être déstabilisée par elle. La particularité de la personne qui vit le temps de l'esprit, c'est qu'elle est capable d'être exposée à des formes psychologiques qui vont être projetées dans son mental, sa psyché, sans être décentrée, déstabilisée par leur exposition et sans les réfléchir et les émotiver. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, est en train de faire une activité, puis il vient en tête une image du passé alors qu'elle avait fait un beau voyage, elle peut, si elle l'émotive, la forme, vivre un état de nostalgie qui va dire « Ah, c'était le bon temps, alors qu'aujourd'hui, je ne vis pas ce voyage. » Donc, la personne peut se réfléchir là-dedans en termes de « je », sous influence d'énergie astrale, se dévitaliser et à ce moment-là, vivre une soumission à une temporalité psychologique alourdissante. Donc, si cette personne vit le temps de l'esprit, eh bien, elle est capable de fonctionner en fonction d'une dimension créative de son être qui fait que lorsqu'elle fait une activité, elle perd la notion réflexive du temps et de l'espace pour vivre une immersion globale et totale dans l'immédiateté du moment présent. Donc, elle vit ce qu'elle a à vivre sans le réfléchir. La sortie du temps psychologique pour un individu, dans le fond, va s'effectuer à mesure que l'être humain va se libérer de la soumission à des formes, pensées, qui temporalisent son mental. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que d'un certain point de vue, le temps psychologique, c'est une forme de pollution. C'est sûr que c'est nécessaire. Tant que l'être humain n'est pas capable de supporter la présence de l'esprit et du vide mental, c'est intelligent qu'il puisse bénéficier de l'encadrement du temps psychologique. Mais éventuellement, il est appelé à connaître la fin du temps psychologique dans le sens d'être soumis à ça, qu'il crée une lourdeur dans sa psyché, pour vivre le temps de l'esprit qui est au-delà de ça et qui, dans le fond, va relier l'être humain au cosmos. Le temps psychologique garde l'individu dans un état de quarantaine par rapport à un système temporel auquel il est soumis. Et lorsque la personne est capable de se libérer à la soumission des formes temporelles, eh bien, à ce moment-là, elle peut composer d'une manière consciente avec le cosmos au-delà de ça. Mais ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'un individu peut être en contact avec l'esprit tout en évoluant, se trouvant en fait dans un système planétaire avec des rotations de journées, de mois, de saisons. Sauf que la personne ne va pas émotiver son rapport avec le temps, ne va pas vivre non plus une réactivité émotionnelle, ce qui fait qu'elle ne soufflera pas psychologiquement du temps. Une des particularités du temps psychologique, c'est d'amener une souffrance et une lourdeur énergétique qui résulte du fait que la personne ne vit pas un état de plénitude et elle vit un état de dissociation avec l'entièreté de son être, de division intérieure, qui est relative au fait qu'elle n'est pas capable de supporter totalement le réel qui est en elle. C'est entre autres la peur qui va faire que la personne, par exemple, au lieu de, par exemple, être totalement présente lorsqu'elle s'entraîne physiquement, elle peut regarder d'une manière compulsive, sa montre, pour voir il est quelle heure, avec la crainte d'arriver en retard. C'est sûr que quelqu'un qui vit le processus de fusion peut avoir à fonctionner avec un temps planétaire, parce qu'après tout, la personne peut avoir encore à transiger avec des êtres sur le plan physique, sauf que elle ne regardera pas la montre en vibrant de la peur. Elle ne sera pas astralisée dans son rapport au temps. Elle ne vivra pas d'anxiété si elle se rapproche d'un rendez-vous important ou du moment qu'elle va faire, par exemple, un exposé oral. Non, elle va vivre ce qu'elle a à vivre sans le réfléchir, donc elle n'aura pas un problème d'anxiété, d'anticipation par rapport à l'avenir et un problème de nostalgie par rapport au passé. Donc, elle n'en vivra pas le passé. Puis, elle ne vivra pas un phénomène de désir aussi par rapport à l'avenir d'obtenir certaines choses. Parce que quelqu'un qui carbure au désir puis à la croyance que dans le futur, les choses vont s'améliorer pour elle, qu'elle va devenir riche, qu'elle va avoir du développement de technologies qui vont l'avantager, si elle vit dans l'espoir par rapport à l'avenir, eh bien, à ce moment-là, elle ne vit pas dans le temps de l'esprit qui est au-delà de la temporalité planétaire. Donc, c'est sûr que tant que la personne réfléchit, elle analyse, elle calcule, elle fonctionne avec des paramètres de temporalité psychologique auxquels elle est sous influence, puis elle va connaître la réactivité émotionnelle. Tandis que si la personne fonctionne avec l'esprit, eh bien, à ce moment-là, ça va l'amener à continuer à se trouver sur le plan terrestre pour le temps qu'elle a existé sur Terre, mais en étant dans un état de centricité interne qui va faire qu'elle ne sera pas déstabilisée par les événements du passé, par exemple, vivre des traumatismes en relation avec des mémoires anciennes qui se rattachent à des événements qu'elle a vécu, mais elle ne vivra pas non plus un état de souffrance, d'anticipation par rapport à l'avenir. Finalement, elle va vivre le temps par rapport à ce qu'elle a à vivre dans le maintenant. Alors, son regard ne sera pas tourné vers le passé et aussi vers l'avenir dans le sens de vivre l'anxiété ou de l'espoir, bien que dans un sens, son regard va être tourné vers l'avenir parce que la personne qui vit d'esprit vit en relation avec une énergie qui la travaille en son sein pour la garder active par rapport à des projets qui se rapportent à l'avenir. Parce que le but de l'esprit, c'est d'amener sur Terre un renouvellement énergétique qui est en relation avec son devenir. Donc, l'individu qui vit le processus de conscientisation est appelé à œuvrer en ce sens. Donc, il va être dynamisé dans une action en fonction d'amener sur Terre des ajustements créatifs à son état. S'il y en a la vibration, dans un premier temps, c'est individuel. Mais ce qui est particulier des êtres humains qui se sortent de la temporalité psychologique, c'est qu'à leur contact, eh bien, un individu qui vit dans le temps psychologique va ressentir un apaisement. C'est-à-dire que si l'être humain est capable de s'ouvrir à la vibration d'un être qui vit dans le temps de l'esprit, eh bien, s'il est capable d'entrer en résonance énergétique par rapport à ce phénomène-là, à son contact, la personne va connaître un état de vide mental où elle ne réfléchira plus parce que beaucoup de souffrance psychologique est occasionnée par la réflexion, la réactivité émotionnelle qui s'y rapporte. Lorsque la personne arrête de dilapider ses énergies vitales en réfléchissant à l'énergie, en la distractant, si la personne est capable de l'intégrer d'une manière totale et instantanée, il n'y a plus d'état de division intérieure en elle, ce qui fait qu'un état d'unité, un état fusionnel entre elle et l'âme et l'esprit, ce qui fait que la personne est bien dans sa peau, puis il y avait un état de plénitude. La particularité du vécu du temps de l'esprit, c'est un état de plénitude, alors que le temps planétaire, le temps psychologique, le temps de l'âme est dévitalisant parce que ce n'est pas un temps qui est en harmonie avec la multidimensionnalité de l'être humain. Puis le temps de l'ego aussi, qui se rapporte au temps psychologique, c'est un temps qui est en déphasage avec l'esprit, qui est la contrepartie cosmique de l'individu qui lui est voilé à sa conscience tant aussi longtemps qu'il n'a pas la stabilité psychique pour la supporter et qu'il n'est pas prêt à vivre un contact télépathique conscient avec elle. Donc, tant que la personne vit dans le temps de l'ego, elle peut avoir l'illusion psychologique d'être aux commandes de sa vie, de contrôler. les événements de sa vie par le seul exercice de la volonté de son ego, alors que sa contrepartie cosmique peut, dans les coulisses, l'exposer à certains événements pour l'amener à réaliser son existence et qu'il y ait éventuellement une harmonisation entre les deux. Le temps de l'ego, c'est un temps qui est détaché du réel, d'ailleurs en relation avec les activités de l'ego détachées de l'esprit dans le cadre de l'évolution. Ça occasionne de la pollution psychique et aussi à la surface de la Terre, de la pollution sur le plan physique, environnemental. Et tant que l'ego est séparé du temps de l'esprit puis il n'y a pas une réunification entre les deux, ben l'ego souffre parce qu'il arrive des événements qui ne sont pas dans le temps de ses désirs, dans le temps de ce qu'il veut, qui vont le bouleverser, qui vont le chambarder, qui vont lui créer des chocs, des états de crise, pour qu'éventuellement l'ego s'ajuste au temps de l'esprit. Et lorsque l'ego sera totalement ajusté au temps de l'esprit, l'ego ne soufflera plus sur le plan psychologique par rapport au réel, parce qu'il sera en harmonie avec lui. Et il comprendra qu'est-ce qui se passe. Le temps psychologique est en relation d'une incompréhension du temps de l'esprit lorsque le temps psychologique est subi par l'ego. L'ego qui cherche à être en puissance en fonction de certaines notions temporelles, eh bien, à ce moment-là, s'il y a une attitude de vouloir être aux commandes de sa réalité en faisant fi de sa petite voix intérieure, de son esprit, bien, tôt ou tard, il va avoir des oppositions pour qu'il finisse par l'écouter, parce que l'ego qui fonctionne d'une manière indépendante de l'esprit, en ayant l'illusion d'être en contrôle puis de vivre en son temps, tôt ou tard va être récupéré par le réel parce qu'il va avoir un retour, une confrontation entre lui puis la réalité. Et c'est sûr que les temps arbitraires que peuvent vivre certains égos qui ont l'impression de vivre en leur temps ou d'imposer leur temps à la réalité physique, tôt ou tard vont réaliser les lacunes associées à ça. Et la particularité de l'ego qui aura une plus grande vitalité, c'est celui qui vivra dans le temps de l'esprit parce que il se dévitalisera pas autant que l'ego qui passe son temps à réfléchir d'une manière anxieuse à qu'est-ce qui va arriver. Quelqu'un qui passe nuit et jour à réfléchir d'une manière obsessive et compulsive à qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, la personne qui réfléchit aux événements de fin de cycle, à son éventuel décès, aux problèmes environnementaux, aux problèmes de guerre sur Terre, souffre, s'alourdit de mémoire et réagit émotivement à ces mémoires-là en sécrétant des émotions qui vont alimenter le plan astral et qui vont la dévitaliser au même moment. Alors que la personne qui ne réfléchit pas et qui vit un état de communion d'énergétique avec l'esprit dans un état unitaire, il est bien. Parce que en réalité, quelqu'un peut vivre le même événement, puis n'en souffrir ou non. C'est comme la personne qui se retrouve pendant un temps, pendant une période, de manière solitaire à un endroit. Quelqu'un peut passer la fin de semaine tout seul. Si la personne a tendance à être anxieuse, se réfléchir, être nostalgique, être seule, c'est un calvaire pour elle. Passer du temps avec elle-même, là, c'est une grande souffrance. Parce que est bombardée par des formes qui la dévitalisent, puis elle vibre émotivement à ces formes-là. Tandis que l'ego qui monte en puissance, en volonté, en identité, qui est pénétré par l'intelligence de l'esprit, qui est pénétré par cette énergie-là qui l'amène à s'allumer intérieurement, va contester l'influence astrale sur sa psyché. Il va remettre en question son habitude, par exemple, s'il en a une, à vibrer émotivement aux formes qui lui sont présentées. Donc, il va contester la soumission à la forme pour installer un état psychique dans lequel il est bien. Puis la personne peut passer une fin de semaine avec elle-même, elle peut passer un mois seule, mais elle ne souffre pas de la réflexion, de la solitude réfléchie psychologiquement. De cette période de temps. Elle va être capable de contenir le temps sans en souffrir. Alors que l'ego, qui vibre émotionnellement, va beaucoup se dévitaliser Et à ce moment-là, s'il se dévitalise beaucoup, bien, il vieillit plus rapidement, il use prématurément aussi son corps biologique, parce que le temps épuise, surtout si le temps est vécu d'une manière anxieuse, d'une manière émotive qui amène des grandes dépenses d'énergie. Donc, la particularité de l'individu qui sera en harmonie avec la conscience de l'esprit qui est au-delà de la temporalité planétaire et du système aussi physique, c'est que la personne va vivre un état de vitalité et elle sera capable de contenir le temps sans s'astraliser dans des périodes où elle a à vivre du vide, par exemple, d'activité. Donc, quelqu'un qui passe une fin de semaine seule, ça peut être un lieu d'astralisation où la personne, à la fin de semaine, elle se sent dévitalisée parce qu'elle a passé son temps à se plaindre qu'elle s'ennuie, qu'elle est seule, qu'elle est victime, des circonstances de la vie, etc. Tandis que l'autre personne qui ne se réfléchit pas peut être confrontée au même événement, mais pas souffrir de la durée du temps de l'événement, puis être capable de contenir le temps. Quelqu'un qui réfléchit le temps, puis ça est dit intérieurement qu'il va se passer, par exemple, 20 ans avant que tu fasses le voyage en Europe, la personne veut faire le voyage en Europe, elle vibre à ce désir-là, puis ça est dit que ça ira pas avant 20 ans. Si elle vibre beaucoup au désir, elle va souffrir du temps qu'elle a à contenir. Par contre, si ça est dit la même réponse, puis il n'y a pas de résistance intérieure entre elle, puis son esprit qui lui indique qu'une période de temps à contenir. D'ailleurs, sa personne est en contact avec l'esprit et est très transparente, elle pourra réaliser l'intelligence de contenir cette période de 20 ans, que c'est plus intelligent qu'elle aille en Europe dans 20 ans plutôt que maintenant. Puis ça peut dire intérieurement que d'ici là, bien, avoir vécu un processus de transmutation psychique suffisamment avancé que la personne va être capable de composer avec certains individus avec lesquels elle aura interagi en Europe. Qui auront également vu ce processus-là rendu à ce moment et que d'y aller maintenant, c'est prématuré parce que les individus présentement ne sont pas nécessairement prêts à interagir avec elle et elle non plus n'est pas prête à interagir avec eux autres. Donc, chaque être humain doit faire son bout d'évolution avant que la mise en contact puisse se faire. Donc, au lieu de gaspiller ses énergies puis vouloir précipiter les choses, puis vivre au-delà du temps de l'esprit en voulant voyager puis entrer en contact avec plein de monde en Europe, alors que c'est pas le temps, ben la personne qui s'engage dans un type d'action-là va vivre du rejet, va vivre des oppositions, va vivre des événements qui vont l'amener à réaliser qu'à quelque part, son agissement manque d'ajustement parce que il y a quelque chose qui veut aller plus vite que le temps prévu. D'ailleurs, l'une des lacunes de l'ego qui a de l'orgueil, c'est qu'il n'y a pas une liaison psychique objective avec l'esprit qui fait en sorte qu'il réalise l'intelligence, par exemple, de contenir le temps. Puis il doit réaliser aussi l'intelligence de faire des choses en certain temps, dans le sens qu'un ego, il peut regarder vibratoirement si c'est le temps de faire quelque chose, puis c'est le temps, il doit agir, mais si ce n'est pas le temps, il ne doit pas en faire plus parce que sans ça, il gaspille ses énergies. D'ailleurs, l'esprit qui travaille l'ego pour que l'ego vive en fonction du temps de l'esprit va l'amener à optimiser sa gestion du temps. Donc, autrement dit, l'esprit qui travaille l'ego ne l'amènera pas à réaliser 10 000 enregistrements pour parler de conscience dans une période où c'est pas le temps qui en a soit fait autant. Il peut l'amener à faire une activité. C'est réaliste que c'est intéressant que, par exemple, une fois de temps en temps, un enregistrement soit produit pour favoriser qu'il y ait, à travers la communication qui est faite dans le cadre d'un enregistrement audio, une descente d'énergie qui ajuste la psyché de l'individu qui le canalise, que ça se fasse progressivement, mais pas dans un rythme qui est trop grand par rapport à la capacité d'absorption de l'individu qui produit l'enregistrement ou les gens qui sont concernés par son écoute. Donc, il y a dans le temps de l'esprit une justesse en fonction d'une compréhension multidimensionnelle du réel, à la différence de l'ego qui est orgueilleux, qui regarde juste les choses au niveau de la forme ou sous influence astrale, qui lui manque une partie de l'équation pour avoir un rapport à la temporalité qui est ajustée. Donc, c'est sûr que l'ego, par exemple, qui a en réalité la vibration de produire 2 enregistrements par semaine, s'il n'en produit pas, ben à ce moment-là, il retarde le temps de l'intégration de l'énergie des enregistrements ici de la canalisation de l'esprit. Mais si en même temps, il en fait 10 pendant sa semaine, alors qu'il n'y a pas la vibration réelle pour ça, il gaspille ses énergies. Donc, il ne doit pas aller trop vite ni trop lentement. Et à mesure que l'ego s'harmonise avec l'esprit, et à mesure que la justesse dans sa gestion du temps va être présente. Donc, à mesure que l'ego est dépouillé de voile entre lui et l'esprit, puis à mesure que la justesse dans sa capacité de percevoir avec transparence l'esprit s'installe, ce qui fait qu'il gère de plus en plus avec précision le temps de l'esprit, puis il n'en souffre pas. Puis il est capable de réaliser l'intelligence, qu'il y ait des actions qui se fassent à certains moments, puis d'autres plus tard. Puis comme il est dans un état de présence, parce que l'ego qui vit au-delà du temps réflectif est plus là, dans le ici et maintenant, que celui qui est soumis à des croyances par rapport au passé, par rapport à l'avenir, par rapport à des éléments, des formes qui sont activées dans son mental qui l'amènent à réagir. Quelqu'un qui vit de la nostalgie, c'est qu'il n'est pas totalement là dans le présent. Il y a une dissociation psychique parce qu'il y a une partie qui est là sur le plan physique, puis il y a une partie de lui-même qui a envie un passé. Puis quelqu'un qui vit de l'espoir, bien, il y a une partie qui est là sur le plan physique, puis une partie de lui-même qui a envie qu'il se passe quelque chose dans un futur, puis se projette là, sur le plan imaginaire. Donc, il n'est pas totalement là. Tandis que la personne qui vit le temps de l'esprit est totalement là, et elle peut être totalement là sur le plan physique et simultanément totalement en contact avec le plan éthérique aussi. Mais ce n'est pas un contact avec le plan éthérique qui va aliéner l'individu, dans le sens que l'individu est soumis à un temps de l'esprit qui lui échappe et que la personne en souffre. Non. L'individu, d'ailleurs, qui monte en intelligence va ajuster l'esprit et éventuellement va amener à ce que l'agenda de l'esprit soit ajusté à l'individu. Donc, il peut modifier le temps de l'esprit par rapport à la programmation terrestre, étant donné que l'individu qui intègre la pénétration psychique de l'énergie de l'esprit aura la capacité de pénétrer par la suite à son tour l'éther. Donc, l'énergie de l'esprit en lui va faire un travail et lui, avec les assises de sa volonté, va être capable d'utiliser cette énergie-là pour ajuster le plan de l'esprit et modifier des programmations qui le concernent. Éventuellement.